Jour théorique 15. Nous débarquâmes à Equinox à bord de notre nouveau vaisseau. Cette gigantesque cité allait nous réserver bien des surprises. Notre entrée, au niveau 0, se déroula sans souci particulier. Une foule impressionnante de monde émergeait des différents couloirs et tous allaient très vite. Ils devaient bien connaître les lieux. Nous étions légèrement perdus dans cette grande pièce. Une ville dans la ville, chaque niveau sont conçus de la sorte. Tandis que nous nous apprêtâmes à pénétrer au cœur même de la cité, un homme se mit à ouvrir le feu sans crier gare. Berlin et Brunière ont fait partie de ceux qui subirent les dommages collatéraux en se prenant chacun une balle de gros calibre, le premier dans le torse et le second dans la jambe. En réalité, l'homme n'était point seul. Deux de ses alliés avaient visiblement pour mission de récupérer une mallette qu'un homme en costume très classe portait à la main. Ceux de notre groupe, qui étaient encore en un seul morceau, décidèrent de l'aider. C'est alors que Thierry fut accroché malgré lui à cette fameuse mallette. Tandis que cette dernière commença à parler avec une douce voix féminine et cristalline. Vous êtes relié à une valise drone explosive. Suivez toutes mes instructions à la lettre, ou je serai contrainte de m'autodétruire et vous avec. Évacuez la zone immédiatement. Trouvez un endroit calme à l'abri des regards étrangers. Ne parlez pas aux autorités. Il vous reste 10 secondes pour obtempérer. 10. Je cours dans un endroit calme. Vite, vite, bâtarde de valise. Ok, donc Ake, tu as exactement entendu ce qu'elle vient de dire en fait. Ok. C'est une voix féminine, cristalline, pas humaine. Cristalline. Ah ouais, elle a pas la voix cristalline. Ouais, c'est pas non, je suis désolé. Si ça avait été moi qui l'aurais joué, elle aurait pas la voix cristalline non plus. Et pourtant, elle a la voix cristalline. Alors, n'emmerdez pas. Je peux vous faire la version valise cochonne, si vous voulez. Non. Donc, tu as clairement entendu ça, ok. Et c'est pas humain. Ok. C'est donc, présumant de l'intelligence de mon camarade qui porte à son poignet une jolie valise qui parle, j'en ai déduit qu'il est parti en courant. Un long combat a eu lieu dans le brouillard des fumigènes. Et beaucoup de sang a giclé, grâce aux compagnons héroïques que sont Yedi et Aki. Il reste un mec pas loin. Ouais. C'est quoi un des agresseurs. C'est pas loin à 5-6 mètres. Ça commence à se dissiper, mais on est toujours sous fumigène. Ok, je cours vers lui, sabre au clair. Ok. Et donc et tu y es. J'y suis et je le frappe. Ta lame se plante dans sa jambe. Dans sa jambe droite, tu la retires. Donc il y a du sang qui gicle. Tu le vois, donc t'es bien au corps à corps avec lui. Et j'ai touché l'artère. Et il est pas encore mort. La scène terminée et calmée, Thierry nous fit rencontrer son ami Ringo Banana, qui vit dans le quartier est du niveau 1. Celui-ci travaille en fait dans un petit hôpital. Bien pratique, vu que deux des nôtres pissaient encore le sang. C'est grâce à ces breuvages louches et bleuâtres que nous pûmes aller mieux par la suite, enfin. Pas tout de suite quand même, n'est-ce pas, Didi? Non, mais je pense que ça serait bien qu'on aille voir Ringo Banana pour aller soigner Das déjà. Ça serait bien. Yes, Ringo Banana. Ok. C'est une vieille connaissance. Il a un Rastaman, mais... C'est un Rastaman? Yeah. Yeah, Rastaman DJ. Rastafari. Rastafari. Vous allez avoir c'est de la médecine parallèle. Sous les mers, c'est le seul dans Polaris qui écoute encore de la funk. Qui a découvert des vieux CD de funk de l'ancien temps. Rastafari. Funk music. Yeah, funk music. Oh, donc, c'est vous faites quoi, les gens là? Mais allons voir Ringo Banana pour ça. Allons voir Ringo. Ce fameux médecin. Ok, c'est... ok. Il vit à Equinox. Il est au niveau quoi? Il est au niveau 1? Oh bah il est au niveau 1, bien sûr. arriver à destination. Ah. C'est un hôpital de fortune. C'est un truc qui paye absolument pas de mine. D'extérieur, les murs sont assez délabrés. Le bâtiment est de plein pied. C'est un petit hôpital, donc vous arrivez à l'accueil. Bonjour. Si. Bonjour. Vous désirez. Hein, il va pas bien, votre collègue? Thierry, c'est toi qui nous as amené là, tu pourras peut-être prendre le temps. Oui. nous cherchons Monsieur Banana. Oui, c'est de la part de... Ah, c'est de la part de... j'ai dit doucement dans l'oreille, maman. Bien, je vais l'appeler. Oui, Monsieur Banana. Oui, il y a un certain Monsieur Ambéron qui voudrait vous rencontrer. Bien. Bien, montez, il est dans son... montez. Au fond, il est dans son bureau. Attendez. Oh le con. Je fatigue. Non, allez au fond, il est dans son bureau. Allez les gars, là, venez boire un petit coup, là. Vous allez voir, il est super sympa. Allez, entrez. Ah. Hey les man, venez voir. On va boire le warm ensemble. C'est moi qui distille, c'est moi qui distille. Sympa ton pote. Sympa ton pote Terry. Bon, vous êtes qui les man? Enchanté. C'est quoi votre blaze à tous? Ton nom mec? Ouais, bien dire, ouais. Appelle-moi Aki, copain. Ah, Aki, man. Et toi là? Moi c'est Didi. Didi. D'ailleurs, t'aurais pas un bassin d'eau dans le coin par hasard? Ah, j'ai pas ça, man. Moi, je m'occupe pas des hommes tritons. C'est pas grave, on ira voir les pompiers. Non, excuse-moi, man, mais c'est vrai qu'on en a pas beaucoup ici. et toi, man, comment tu t'appelles? Il est mieux dans l'eau. Il monte d'Azna. Bonjour. Hein? Je dors toujours. Est-ce qu'il est capable de parler, lui? Il dort. Bah, il est blessé, il est plus ou moins inconscient, quoi. Hey, man! Debout, man! Oh là, c'est misère. C'est ouais, misère. C'est toi, man, comment tu t'appelles? Il monte bruit. Bah, je l'ai mis, bruit. Oh, excuse-moi, bon. Dans la confusion, man, j'ai pas entendu ton nom. Y'a pas de man. Et y'a trop de monde qui parle en même temps, je comprends plus rien. Y'a pas de bad man. Eh, va boire le warm, les gars. Ok. Bon, je vais appeler quelqu'un pour votre ami, là. Il a l'air... Ouais, il y a aussi Brunière, là. Il a la gambole folle, la gambette, là, qui est folle. Ouh, c'est vilain. Regarde ça, là. C'est pas beau. Ouais, c'est pas beau. Bah, je sais qu'il est vilain, on regarde la jambe, maintenant. vous savez que ça va pas guérir comme ça, quand même. Va falloir faire de la convalescence. Mm-hmm. Va falloir pas trop bouger, pas trop... Ouais. Tout ça, tu vois. Ça tombe bien, on va immobiliser. Moi, c'est bon, si tu immobilises la jambe, j'arrive à me dépatouiller, après. Ouais, on a besoin... On a que quelques heures devant nous. Ouais, on a besoin de faire quelques heures. Quelques heures. Bah hey, oui. Mais moi je vous parle pas en heure, les man. Moi je vous parle en jour de convalescence. Non mais c'est bon, ouais, pour la jambe, ça ira. Faut qu'il soit soigné, les gars. Pour Daznar, on toi, le laissera un petit man, peu. Ta jambe, man. Et ça, man, c'est pas loin d'une semaine de convalescence. Et ton poteau, là, c'est pas way. Va falloir éviter de faire les cons pendant une semaine. Mais vraiment. Enfin, moi, après, je vous conseille ça. Après, faites comme vous voulez. On verra ce que le destin nous réserve. Bon, mais plus vite on commence et plus vite ça sera fini. Faut pas que tes photos, là, ils fassent les cons. Hein. Non, on va les tenir à l'œil, là. Il faut que tu fasses gaffe. Allez, gars, il faut falloir, voilà. T'inquiétez pas. Allez, on va servir le WOM. Il sert les verres. Allez-y, les man. Ça c'est le bon WOM. Ça c'est bon ça. C'est bon ça. Et lui il se le boit très sec. Il se boit un bon verre à whisky. Pam, il sent qu'il est bien à la tête. Qui boit? Voilà, je bois, mais je sirote tranquillou. Hein. Ok. Il est bon ton WOM. Il est bon ton WOM. Moi je bois ça d'une traite parce que j'ai mal. J'ai très mal à la main. Ouais. tu me feras un jet de constitution s'il te plaît. La constitution des États-Unis. Non, un jet de constitution. Du constitution, ouais, genre, tout simple. Est-ce que t'es une tafiole ou pas? C'est ça. est-ce que tu vas supporter ou pas? C'est pas une tâche. 15 en constitution. Je fais 6. Ouais. Ok. Bah, c'est fort, mais ça va. C'est correct. Mais ça dégueule pas sur la table. C'est ça reste un alcool très fort. Qui boit d'autre? Ouais, je bois. Ouais, mais pareil, constit. Et en B, tu me feras pareil, constit. Ouais, moi je vais encore finir en bourré. J'ai 15 en constit. Ça passe. Ouais, impeccable. Non, moi j'ai. Moi ça passe pas. 13, t'as pas 13 en constit? Ah non, j'ai 8 en constit. Ouh! Ah oui! T'es bien joyeux. Voilà. Donc va falloir le jouer, t'es bien joyeux. Et il t'a. Tu sais, ça t'a mis bien chaud là. T'es content, t'es heureux, tu sais pas pourquoi, mais c'était bien. Eh hey, Brunière. Ouais. J'appuie sur sa blessure. Ça fait mal. Arrête, c'est bon ça. Dégage. Ah, t'es oui. Tu me fais toujours oui, t'es oui. Ah, t'es oui. Un autre verre, t'es oui. Allez, vas-y, fais péter. Allez, et te remets le Razad. Eh, hey, Akeman. Ok. Ouais. Petit Razad. C'est trop bon ton truc là. Bougna. Oui. Un petit verre, Bougna. Ouais, vas-y, remets ça. Allez. Et Diedi. Ça passe toujours, hey, frère, hein. Man, tu bois pas? Elle est morte. C'est manque d'eau, là, il est tout sec. Donc, donc il ne boit pas. Il fait un appel. Il appelle un infirmier pour qu'il vienne chercher Daznar, qui vient assez vite, et qu'il l'embarque. Il le prend avec lui. Infirmière Un infirmier. Bah non, ouais, plus, alors. Ah ouais, putain, j'avais pas vu AFK. Le mec, il t'a proposé un verre de WAM. D'accord. Est-ce que tu bois ou pas, en fait? C'est ça la question. Ouais. Ouais. Tu me fais un jet de constit. Ok. Donc, Didi, tu es dans on un état pire qu'en blé déjà. Tu es bien chaud. C'est le verre qui t'a mis, il t'a donné bien chaud. T'étais bien. T'es bien fracas, quoi. Ouais. T'es pas encore raide bourré, mais t'es bien joyeux, quoi. Bien joyeux, mais les joueurs sont petits, hein. Ouais. Non, bah t'es bien joyeux. Juste bien joyeux. Ah putain, t'as une bonne constite, enfoiré. et il t'en repropose un deuxième. Donc Ambé a dit oui, Ake a dit oui, Bru a pris. Et donc il te demande à toi si t'en veux un deuxième. Allez, Didi. Et te resserre un deuxième. Donc pour tout le monde, un jet de constit. Moi je l'ai fait, j'ai fait 11. C'est passé, Ake? Ah oui, j'ai 15 en constit. T'as 15. Moi aussi. Tous avec moins 3 par contre. Ouais. Ouais, avec moins 3, ouais. Hé, il est vraiment bon. Il est raide déboîté. Didi, est... on va faire l'amour. Il est déboîté. Lui, il est déboîté. Didi, t'as fait combien pour combien? 16 pour 16. T'es pas bourré, mais t'es bien chaud. T'as mis un bon coup de fouet, t'es bien joyeux. T'es bien... Ouais, t'es bien. Ouais, jouer avec ma mallette explosive. Terry, lui, il est déchiré. Et c'est lui qui a la manette en plus. Bru, oui. Bon, tu fais ton jet de. Tu me fais du WAM, 7 et comme j'ai 15, moi ça passe sans problème. Ah oui, je l'ai vu. 7, ouais, donc nickel. Donc toi, toujours pareil, nickel. Oh, bah c'est de la petite piquette quoi. Ça passe bien. Ça va, non, c'est fort, ça passe bien. T'as pas un truc un peu plus fort Toi, tu veux la voix vageuse. Tu veux la voix vageuse. La voix vageuse. Hey, man. J'ai mieux que la voix vageuse. C'est l'alcool de méduse. Une méduse spéciale. Ah. Tu veux goûter ça? Ah oui, avec plaisir. Si ça, c'est pas de l'allier. Donc il va chercher dans un placard. Une espèce de gros cylindre. Genre un énorme tube à essai un peu. Un gros cylindre en verre. Tu vas pleurer. Avec une méduse dedans. Qui baigne dans un liquide. Ok. Donc le gars le pose sur le sur le bureau. Et il te passe un tout petit verre. Voilà. Maintenant, il faut te servir. On va voir si t'es un homme. Oui, tout petit le verre, on dirait le sexe de Brugnard. Et il a un grand sourire, en fait. Et il te dit comme ça, il te montre le fond comme ça. Et il te dit, c'est là que ça serve. Ah oui, faut que j'aille jusqu'au fond. Chol. Ça sert tout au fond. Brugnard. Donc tu me fais un jet de... alors c'est... Un jet de tout, un jet de chance. Un jet de beuverie. Dextérité, perception. Ouais, c'est ça. Détermination, volonté. Ça volonté. Tu vas me faire un jet de coordination. Et bien sûr, tu as un seuil. Puisque c'est pas évident. Une méduse avec toutes ses tentacules. Est-ce qu'il te reste des points de chance? Et j'en ai pas besoin. Tu vas perdre ta main. C'est pas grave, tu prends déjà une jambe, c'est bon. Bon, la méduse, elle est dans l'alcool, donc a priori, ouais. Elle est peut-être un peu endormie. Et c'est... Elle est peut-être même morte, elle est la dans méduse. L'alcool. Je sais pas si c'est de l'alcool, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai quoi au minimum, ouais. Alors? Ouais, elle vit. En rêve, j'ai... Non, la méduse vit là-dedans. Elle est vivante, elle est vivante. Elle même bouge. Pas en rêve, je mets ma main là-dedans. C'est pour ça que je lui demande un test de coordination. Et qu'il n'y a pas de danger. Et que bien sûr il va y avoir un seuil, bien sûr. Le seuil il est de combien? Ah, ça je peux pas te le dire par contre. Ça tu peux pas le savoir. Tu 10. As prendu 200 volts. Ça passe pour moi. Ouais, ça passe juste. Ça passe juste, donc tu plonges ta main là-dedans, t'arrives à longer la paroi avec le verre sans toucher la méduse, t'as pas de filament qui te touche, t'as rien. T'arrives à récupérer au fond du bocal, tu remontes avec ton verre et tu vas pouvoir le boire. Donc c'est un liquide qui est bleuâtre, genre bleu... un peu phosphorescent en fait. Ouais, je vois bien, ouais, j'en ai une image parfaite dans la tête. Voilà, un bleu un peu fluo quoi. Genre détergent, tu vois. Mais je bois. Ça ressemble à du gasoil, mais ce n'est pas du gasoil. Je bois, puis comme je suis un dingue de la boisson, j'y vais net. Ouais, tu le... Ouais. Ok, bah tu me fais un test de constite. De constipation ? Ouais, de... ouais. Avec un certain... Ça y est. Ah, mais constitution ? Ah oui, constitution, oui. Oui, tu sais, comme constitution. Oui. Des États-Unis, c'est la blague de tout à l'heure. Oui, ouais, oui, c'est ça. Oui. Non, mais tout à l'heure, je croyais que j'avais 15, mais en fait, j'avais pas 15, mais ça passait quand même. D'accord. Ouais, t'étais à 7. Non, t'étais non, à 7 oui, et 6. Oui, et puis j'ai 11, donc 11 moins 3, 8, donc c'était bon. Tac. Ça passe pas. Hein. Je repose le verre. Ça passe pas. Ah bon, il y a un seuil aussi. Hein? Ouais. Yeah. Ouais. Ah merde. Ça t'a démonté la tête. Ça t'a démonté la tête. T'es dans le même état qu'en B en fait. T'es bien bourré. Mets tes doigts dans ta blessure, ça va voir, c'est rigolo. Donc le gars te regarde, il fait. Ça aurait pu être pire, ça va, tu tiens le coup et il te met une grande tape dans le dos. Tu tiens bon quand même, mec, ça va, tu tiens bien. Et il range sa méduse. Et la ressortirai plus tard. Attends, hé, oh, la range pas, je vais goûter moi. Tu m'as pris pour qui, oh? Toi, c'était joueur, mon copain. Attends, mon frère, toi t'es un bon, toi aussi. Nez, là, tiens. Tu crois que je vais pas y goûter? Tiens, et il te remet. Un verre sur la table. Parti ? Vas-y mon frère. Donc t'arrives au bout du bocal, tu remplis ton verre, tu remontes, pas de soucis, tu t'es pas fait piquer, pas de brûlure, nickel. Allez vas-y frère, tu sec. Eh Brugnard, si on mettait la main de Daznar dans la méduse, pour essayer. Non, hein, il est déjà parti Daz. Ah merde, c'est vrai. 9 dédi alors c'est pas grave. Il est déjà parti. Touche pas ma main. Ouf. Ouf. Ouh la vache. Ouais. Et bien, bien, bien, bien déchiré. T'as combien en constit Le premier mauvais jeu de dés. 15. Premier mauvais jet de dés, quoi. Ouais, t'es bien, bien, bien, bien déchiré. C'est moins pire. C'est moins pire. C'est moins pire que Bru et en B. Mais c'est bien. Ah non, quoique non, tu dois être au même niveau qu'en B. Tu dois être bien déchiré comme lui. Oh, 15 en constitution, ça va. Combien que tiens en constitution en B? Il a 12, lui, non? Ouais, non, mais en B, il a pas pris ça. Moi, j'ai pas pris ça, moi. Il a pas pris ça en B. Ah, Brugnard, je sais pas combien il a en constitution, Brugnard. Il a 15, je crois. Il a 11? Il a 11, ouais. Ouais, donc t'es quand même moins touché que moi. Ouais, ok. Parce que là, il a fait combien? Il a fait 1. Donc ça lui fait 10 d'écart quand même. Et ouais, hi-ha, presque quand 10 même. D'écart. Ouais, non. Ouais, t'es quand même moins touché que Bru. Okay. Frère, toi t'es un bon, toi, frère. T'es un bon. Mais t'es quand même bien touché. Hein. Ça t'a. Tu comprends pas ce qui s'est passé. C'est quoi cet alcool de malade? C'est même pas un alcool. En fait, ça a pas un goût forcément super fort. Mais man, d'où tu me sens ça? Déboîté la tête. Ah. T'inquiète, mon frère, ça c'est ma chaîne noire, ça. Mais ça m'a fait parler comme toi. Ah oui. Ah, t'es toi, mon frère. Oh, man. Je vais péter la pompe. Complètement déchoué. Eh, je crois que je vais vous prendre une chambre, les manos. Vous êtes pas bien du tout, là. Moi, je vais m'endormir sur le bureau. Vous allez être en déguisement, les manos. Vous êtes déboîté. Et toi, man, tu veux pas... Petit coup. Quitte à prendre une chambre pour tout le monde, autant que tu sois aussi. Ah bah allez, faut yeah. Eh bah ben pareil, j'ai deux coordination. Coordination. Mais fais-toi choper la main, quoi, sérieux. Bah voilà. Wow. J'ai 16 en coordination. Ah. 16 en coordination, ouais. Tu sens rien. Tu t'arrives au fond. Tu remontes ton verre. Allez, man, vas-y, allez. Que sec, man. Que sec. Hop. Oh, ça va. J'ai 16. T'as 16? Ouais. Ouais. Et t'as... T'es bien d'être une grenouille, hein. T'es carrément éteint. T'es le truc, c'est même pas il t'a déboîté, c'est il t'a éteint. T'es inerte, quoi. C'est, tu viens de terminer, t'as avalé le truc... Et c'est... Oh, tu t'es affalé sur le siège du mec et il t'a mis inerte. Terminé. Plus de son, plus d'image, plus rien. Donc là, vous voyez tous Didi en qui fait... Qui c'est qui a éteint la lumière? Il et d'un coup, il s'affale sur le siège, il a les yeux ouverts et il bouge plus. Inerte. Il fait des bulles. Il fait... Ouh. Mais en fait, j'ai l'impression que peu importe le jet de dés... Lui, s'est fait piquer, copain. Lui, il a touché. Pas bon, ça. Mais il va bien dormir. Ah, pas touché, méduse. Si toi, tu touches la méduse, toi, étant. Pas bon, ça. Bon, allez, man. C'est pas tout ça, mais... Faut dormir. Faut que vous alliez vous reposer. Et j'ai plus mal, au fait. Ouais, mais toi, tu vas quand même aller en salle. Réception des nouvelles instructions. Oh, oh. Oh putain. Êtes-vous en mesure de recevoir les instructions? Vous êtes en train de marcher dans les couloirs. Vous allez dormir, ta gueule. Si vous n'êtes pas en mesure de les recevoir, je devrais exploser. Oh putain. Putain. Attends, toi. Attends. Elle a du spa. Oh putain. Et y'a pas moyen, t'as le temps de 2 heures? Terry, bouge-toi, putain, t'as entendu ce qu'elle a dit? Bah oui, mais moi je êtes-vous en mesure de recevoir les instructions? Oui, malade, on a le choix. Oui, on a le choix. Oui, madame. Vas-y, parle, madame. Vous devez aller dans le quartier du district 9. Demain. Vous aurez rendez-vous dans l'hôtel de la Méduse Noire. District 9, Méduse Noire. Oui. Une chambre d'hôtel vous sera réservée. Vous avez un délai de 6 heures pour vous y rendre. Ah, ça va. Ouais, le temps de récupérer. Dormir. C'est ça, le temps de récupérer. T'as dit quoi, le truc 19 dans un tiroir? C'est pas ce que j'ai compris. C'est pas très clair, madame la valise. Jour théorique 15 ou 16. Dasnar, souffrant encore beaucoup, décida de ne point se joindre à la mission, mais nos quatre amis ne purent refuser. Une fois sur place, cela sentait le coup fourré. Didi et moi-même décidâmes d'attendre au premier étage, et Aki et Terry se rendirent au cinquième lieu de notre rencontre. L'échange se passe sans problème, mais lors de la demande de prime, le prêtre refusa de donner ce qui nous revenait de droit. Nous préparâmes donc une jolie petite embuscade dans les couloirs de l'hôtel. Tu dis à Brugnard et Didi de se planquer au deuxième étage sur le palier pour que quand ils descendent l'escalier, ils puissent les avoir dans le dos. Et nous, on les suit. Brugnard, voici les instructions. Planque-toi au deuxième étage. Merci. On va passer, on va essayer de les avoir dans le dos. Hein. Ok, on monte, Didi. On monte au deuxième. Donc, ils descendent au quatrième. On est dead, les gars. Ils descendent au troisième. Pourquoi n'avez-vous pas respecté le protocole? Le protocole devait être appliqué. La somme que vous avez versée est inférieure au montant choisi. Veuillez indiquer une réponse. Le prêtre du Trident ne répond pas. Ça, ce que vous venez d'entendre, c'est tout le monde qui a pu l'entendre, en fait, dans le couloir. Mmh. Ouais, on se les fait. On se les fait, la manette est avec nous. Le pouvoir de la force est le plus fort. On se les fait. Donc ils arrivent au troisième étage. On peut toujours essayer de les intimider ou en tout cas de neutraliser les deux gardes sans tuer quoi. Ils descendent, prennent les escaliers du troisième étage jusqu'au deuxième étage. Prêtre court. Il essaie de se barrer. T'as une ligne de vue dessus. Ouais, ok. C'est fait pour. La totale, là. C'est de dire, le prêtre, il va pas aller plus loin. On va défoncer le prêtre. Oh putain, il va crever. Oh, il a mangé là. Oh putain, on a buté 43. Ouais, il est. Localisation. Arrache-lui un bras. Ah oui, localisation. Ouais. Je fais pas un là. Allez, dans la tête. Explosive la tronche. Il trouve comme une vieille merde. Je suis déchiré là. Tout poitrine en deux. La mallette se détache. Ouais. Et en fait, non, la mallette n'était pas attachée. S'il vous plaît, voulez-vous approcher votre poignet, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Nous sommes, une fois de plus, sortis vainqueurs du combat. On est bon, s'il faut dire. Et malheureusement, la mallette se retrouve maintenant à mon poignet. Ah, et oui, il faut vite se cacher car nous sommes aussi recherchés pour le bruit de la fusillade. Bon les gars, faut qu'on monte encore et faut essayer les autres portes, vous essayez les autres portes. Nous trouvâmes un gentil couple, dans une situation un peu particulière, qui accepta, contre 10 000 sols, de nous cacher. Bon, on peut les pardonner, ils nous ont payé un coup à boire. Qu'est-ce que vous faites là? Sortez d'ici! Sortez d'ici! 10 000 sols si vous la fermez et que vous nous protégez face aux veilleurs. Ah, ça va, belle somme. Il arrête direct de gueuler. Planquez-nous. Bien, d'accord. Vous voulez que je fasse quoi? Ben, c'est simple, vous nous connaissez, et puis si on vous pose des questions, on est là tous ensemble. Par contre, habillez-vous, sinon ça risque de paraître suspect. Ça ferait un peu gros. On peut pas se planquer là, plutôt. Ben, si on peut essayer de se planquer, oui, mais par contre, si les types fouillent la chambre et qu'ils nous trouvent, là, ça sera mort, quoi. Et s'ils décident de fouiller tout le monde? Eh ben, on va planquer les papiers, on va les foutre par la fenêtre. Ouais. On peut se planquer, oui. Je vous rappelle que je suis attachée à votre poignet. Il sera difficile de cacher ma présence au veilleur. Je fous la main sous le matelas, sous l'oreiller, sous la couette. Non, mais ouais, on se planque dans la chambre, alors. Et donc, vous nous couvrez, vous nous balancez pas, et 5000 sols de suite, et 5000 si ça passe. Donc, eux se remettent au plumard... Ils essayent d'entendre quand les veilleurs passent, machin. Les veilleurs finissent par passer, donc ils s'activent de suite, tu sais, ils entendent, ils s'activent. Donc les veilleurs ouvrent la porte. Excusez-nous, et le veilleur referme la porte. Ça, elle est convaincante, la coquine. Et vous n'entendez bientôt plus de bruit dans le couloir. Bon, on sort tranquillement de la salle de bain. Ouais. Et je tends 5 autres 1000 sols au gars. Et je lui dis, écoute, merci de nous avoir couverts. Bah, c'est moi qui vous remercie. Une chance comme ça, ça s'attrape qu'une fois. Il y en a une autre que t'as dû attraper plusieurs fois. il regarde la gonzesse à côté. Ouais, ça va. Ouais, elle est pas trop chère. Ah, d'accord. La sécurité de la mission ayant été compromise, vous devez m'apporter en main propre à Déméter, chef du culte du Trident sur Equinox. Nous verrons cela au prochain épisode.